Chapitre 307. La réprobation de mettre des clochettes au cou des animaux et la réprobation d'être accompagné de chiens et de clochettes au cours des voyages. 1690. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Les anges n'accompagnent pas un groupe de voyageurs où se trouve un chien ou une clochette. » Muslim. 1691. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « La clochette est la flûte de Satan. » Muslim.